Audiomatique. L'introduction de cette transmission 359 d'Audiomatique était assurée par Evelyne Drouin, mieux connue en tant que DJ Mini, du premier album studio de Mini intitulé Audio Hygiène et paru en 2006. Nous vous avons présenté la pièce Walking. Audiomatique se poursuit maintenant avec le duo belge Vive la fête. We'll be right back. Venons tout juste d'entendre à Audiomatique la défunte formation canadienne Perfume Tree, qui est originaire de Vancouver. Nous avons présenté leur composition See Me Smile 811 Mix, extraite du mini-album Fathom the Sky, sorti en 1995. Tout juste avant, il s'agissait du groupe The Sun and the Moon, fondé par Mark Burgess et John Lever, qui sont respectivement chanteurs et batteurs de la formation britannique de Chameleons UK, du mini-album Alive, Not Dead, lancé en 1989. Nous vous avons offert la pièce Arabs and Americans. Et pour débuter, il s'agissait du duo belge Vive la Fête et la chanson La Vérité, tiré de son quatrième album Grand Prix, paru en 2005. Audiomatique se poursuit maintenant avec une longue pièce de l'artiste Klaus Schulze. أعطنا خبزنا كفاف يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التشار لكن نجنا من الشرير آمين Thank you. Thank you. À Audiomatic, nous venons d'entendre une pièce de 27 minutes de l'artiste Klaus Schulze. La pièce Floating apparaît sur son album Moon Dawn, paru en 1976. Nous terminerons cette transmission 359 d'Audiomatic avec le groupe Romance, de qui nous entendrons la chanson Automatique, extraite de son premier mini-album When Things Are Better, lancé en 2005. Les sonoristes présenteront la transmission 360 d'Audiomatic mercredi prochain dès 17h en direct sur les ondes du CFOU 89.1 FM à Trois-Rivières. L'écoute en différé sera accessible quelques jours plus tard sur nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Romance et la pièce Automatique. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Je stance.